De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone et pour cette deuxième partie d'émission, nous partons à Goma, en République démocratique du Congo. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire connaissance avec Arsène Mutasige, un jeune chercheur congolais qui n'est pas seulement chercheur, car il s'intéresse aussi aux fondements de la science, de la recherche et de la diffusion de la culture scientifique. Et j'ai grand plaisir à le retrouver aujourd'hui au micro de Futur Simple. Bonjour Arsène. Bonjour Valérie. Alors Arsène, j'ai dit brièvement que vous étiez chercheur, mais j'aimerais vous laisser vous présenter vous-même. Arsène Tamusige, agronome, ingénieur chimiste des industries agricoles. Je fais mes études doctorales en sciences des aliments et formulations à Jean Blou Agrobiotech à l'Université de Liège en Belgique. Et je m'intéresse au procédé des formulations des aliments, spécialement des aliments infantiles. Et dans mon pays, la RDC, je suis attaché au département des technologies agroalimentaires du domaine des sciences agronomiques et environnement de l'Université de Goma. Et je travaille à temps partiel au département recherche et technologie innovation de Congo Biotech. Alors, Congo Biotech est une jeune entreprise de valorisation des résultats des recherches agronomiques que nous avons lancée à Goma en 2016. Et au-delà de la recherche agronomique et des applications agroalimentaires, des résultats de la recherche, je m'intéresse, vous l'avez souligné, à la vulgarisation scientifique. J'anime ainsi Court Circuit, une plateforme en ligne consacrée à la promotion de la diffusion de la culture scientifique. Alors, donc Court Circuit, c'est intéressant. Vous dites de Court Circuit qu'elle est une plateforme en ligne de diffusion de la culture scientifique. Mais c'est quoi l'idée de fond de Court Circuit? En fait, il s'agit des connaissances et des découvertes d'agronomie, des technologies et surtout des cultures scientifiques que nous essayons de décrypter et de raconter dans un langage accessible au grand public à partir du continent africain et de la réalité de notre pays, la RD Congo. Je co-anime la plateforme avec un ami, Innocent Boutchou, qui est un collègue à Congo Biotech. Il a créé Agrimine, un média intéressé par les questions de vulgarisation scientifique. Alors, avec Court Circuit, l'idée, c'est de contribuer à la bataille contre les barrières entre la science et la société et à la diffusion de la culture scientifique et technique au sein de la société africaine. Lorsqu'on observe attentivement nos canaux de communication, Internet, la radio, la télévision, les réseaux sociaux, nos parlotes, on est surpris de voir qu'il circule un flux énorme d'informations. Il circule à la fois des opinions, des pamphlets, des blagues, des commentaires, beaucoup de commentaires et très peu de connaissances scientifiques. Et pourtant, si notre société se transforme vite et parfois radicalement, eh bien c'est grâce aux découvertes scientifiques. Passons à la médecine, le vaccin, les médicaments, la chirurgie. Passons aux exploits de l'agronomie et des industries agroalimentaires. Pensons à la moto, pensons à la voiture, pensons à l'avion, pensons à l'ordinateur portable, pensons au téléphone, pensons à l'SMS, pensons à Internet. Eh bien, tout cela a été rendu possible grâce aux découvertes scientifiques. Mais que savons-nous généralement de la science? Qu'est-ce qu'un citoyen lambda des scientifiques? Qu'est-ce qu'une découverte scientifique? On remarque que les scientifiques qui inventent les outils techniques et technologiques ont leur monde à eux et que le grand public qui les utilise a aussi son monde. Et tout se passe comme s'il y avait une barrière inéluctable entre ces deux mondes. C'est bien vrai, oui. Il semble y avoir comme pas un fossé, mais une séparation entre le monde de la science et l'autre monde. Et en quoi la diffusion de la culture scientifique est-elle une solution au problème que vous posez, justement? Dans l'idée que je m'en fais, la diffusion de la culture scientifique passe par la vulgarisation scientifique. Alors, j'aime beaucoup les termes de vulgarisation scientifique. C'est un thème cher à Étienne Klein, un physicien et philosophe des sciences français, pour qui j'éprouve beaucoup d'admiration. Alors, pour un chercheur, par exemple, la vulgarisation scientifique consiste à présenter simplement ses recherches au grand public, non pas à les simplifiant, mais à les clarifiant dans ce qu'ils ont de fondamental et de fertile. Il s'agit en fait de pratiquer ce qu'Elisabeth Claverie de Saint-Martin, directrice du Centre des coopérations internationales à la recherche agronomique pour le développement, appelle une science ouverte, c'est-à-dire renforcer la capacité à dialoguer entre les communautés scientifiques et les autres communautés. Il s'agit, si vous le voulez, de partager des idées, des réflexions et des orientations des actions. C'est ça, c'est vraiment d'établir un dialogue en partant donc de la vulgarisation scientifique, donc vulgariser la diffusion de la culture scientifique. Mais ça, c'est partir de l'hypothèse que la science est importante et qu'on peut lui faire confiance. Mais aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on entend des voix s'élever pour demander si on peut vraiment faire confiance à la science. Vous en pensez quoi, Arsène? La même question a été posée à des aînés pour lesquels j'ai beaucoup d'estime, Étienne Klein, que j'ai déjà cité, et Cynthia Fleury. Cynthia Fleury est philosophe et psychanalyste française. Alors, la question leur avait été posée dans une discussion disponible sur le site du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et un de mes étudiants m'a posé presque la même question récemment. Un étudiant de master hein, en sciences agronomiques, donc un ingénieur. Il m'avait demandé, sur un ton totalement désinvolte, la science vaut-elle la peine? Venant de lui, cette question m'avait quelque peu désemparé, que j'y ai consacré une séquence de court-circuit. Plutôt que de centrer mon propos sur une défense scientiste de la science, j'avais choisi de partager ce que, dans mon esprit de jeune scientifique, féconde l'idée de la science. D'accord, donc l'idée de la science, donc ce concept, en fait, le mot science, qu'on utilise un peu de façon générale, mais sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Donc qu'est-ce que ça veut dire la science? La question est banale, ou presque, et pourtant très pertinente. Hein? Étienne Klein définit souvent la science, de la manière qui me semble la plus appropriée. Il dit, la science est un corpus de connaissances éprouvées au cours de l'histoire par des vérifications, des prédictions, des tests, qui constituent ce qu'on considère comme de bonnes questions, qu'on réserve à certaines, qui constituent, voulais-je dire, ce qu'on considère comme de bonnes réponses. Qu'on réserve à certaines questions lorsqu'elles sont bien posées et précises. Quelques exemples. La théorie de la génération spontanée, l'idée que la vie peut apparaître spontanément à partir d'une matière non vivante, a duré plus de 2 millénaires. Aujourd'hui, nous savons, grâce à la biologie, que seul un être vivant peut engendrer un être vivant. On s'est longtemps demandé par quelle magie un enfant naît, grandit et vieillit, par quelle magie d'une graine naît un arbre. Nous avons aujourd'hui des réponses à ces questions. Grâce à la physiologie de la digestion, nous savons comment notre organisme se procure de la matière et de l'énergie qui lui sont utiles à partir des aliments que nous mangeons. Sans vraiment comprendre ce qui s'est passé, les Égyptiens antiques remarquaient que la fumée et la chaleur prolongeaient la durée de conservation de la viande. Beaucoup de siècles plus tard, des savants ont compris que si la fumée est un bon agent conservateur de la viande, eh bien, c'est puisqu'elle est riche en formaldéhyde et en phénol qui lui confère un pouvoir antiseptique et antioxydant. Exactement. Donc la science a permis de confirmer d'anciennes pratiques, de révéler en quoi elles étaient efficaces. Mais tout ça là, donc on obtient un corpus de connaissances, mais ce corpus de connaissances, par définition, il est incomplet. On n'a jamais atteint toutes les connaissances. Et évidemment, la science, comme corpus de connaissances, sous-entend des questions auxquelles les scientifiques n'ont pas encore trouvé des réponses. Et c'est pourquoi on fait de la recherche. C'est pourquoi on fait des études et des expérimentations. Il se pose là une question de fond. Quand traverse-t-on la barrière très peu apparente entre la science et la recherche? Eh bien, la science et la recherche, au bon entretenir des profondes relations d'intimité, et ne forment pas un corps pour autant. La science, c'est ce qu'on sait. La recherche, c'est ce qu'on ne sait pas et qu'on cherche encore. La science comme corpus de connaissances résulte de la recherche. La recherche avec les expérimentations, la méthode scientifique et les moyens de faire des découvertes scientifiques, d'établir ce corpus de connaissances. En répondant à votre question précédente, j'ai donné quelques exemples de connaissances scientifiques. Je voudrais ici donner aussi quelques exemples de recherches, des questions de recherche. Chez nous, en agronomie, par exemple, voici quelques questions scientifiques qui nous préoccupent depuis quelques années. Nous aurons bientôt 8 milliards de bouches à nourrir sur Terre, alors que nous avons déjà du mal à nourrir 7. Qu'allons-nous faire pour garantir une alimentation suffisante en quantité et en qualité à tous? Peut-on continuer à produire nos aliments comme avant? Peut-on garder les mêmes rapports ressources alimentaires? Que devons-nous changer? À côté de nous, les écologistes se demandent que faire face à la destruction massive de la biodiversité, ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité. Comment comprendre les phénomènes environnementaux qui s'accentuent sans cesse et avec parfois des tournures embarrassantes? On l'a vu avec la pandémie COVID-19, la science est sans doute le meilleur outil dont nous disposons pour éviter des catastrophes environnementales planétaires et même sauvegarder le vivant. Sur toutes ces questions, en dehors de la première qui a des ramifications éthiques et politiques, quiconque veut avoir une réponse ne s'adressera pas à son coiffeur. Il ne s'adressera pas à son chauffeur. Il ne s'adressera pas non plus à son tailleur, moins encore à son père spirituel. Il devra s'adresser aux scientifiques. En d'autres termes, les scientifiques sont les seuls à pouvoir répondre aux questions scientifiques. Exactement. Donc, on pose des questions scientifiques, les scientifiques vont apporter des réponses, mais la science peut-elle répondre à toutes les questions qui préoccupent l'humanité d'aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des questions qui vont au-delà de la science? Dans l'histoire de l'humanité, on a cru à un moment que la science pouvait répondre à toutes les questions que l'esprit humain peut se poser. C'était au 19e siècle. Enfin, à la fin du 19e siècle. À cette époque-là, la science était dans une ascension fulgurante. Elle répondait très efficacement à beaucoup de questions de la vie quotidienne. Mais on s'est tout de suite rendu compte que la science ne répond qu'aux questions scientifiques. Par exemple, on ne recourt pas à la science lorsqu'il s'agit des questions relatives à l'éthique, à l'amour ou encore aux valeurs. En agronomie, par exemple, la science nous montre la possibilité de faire un OGM, un engrais et un pesticide chimique. Mais ce n'est pas la science qui nous dit si nous devons les faire ou pas le faire. C'est constant. Ne suffit pas, bien évidemment, pour discréditer la science. La science reste efficace et unique lorsqu'il s'agit de répondre aux questions scientifiques. Un petit accent mérite d'être ici mis sur la distinction entre la science et la technologie. Puisque, en faisant de la recherche, les scientifiques font avancer l'état des connaissances. La technologie est l'application des connaissances scientifiques pour des fins qui ne sont pas nécessairement de nature scientifique. Ces applications peuvent être techniques ou industrielles. Vous l'aurez compris, la décision d'appliquer les connaissances scientifiques ne se prennent pas plus dans des laboratoires que dans des congrès ou dans des salons d'affaires. Alors, donc pourquoi une compréhension fondamentale du langage, des méthodes, des découvertes de la science doit être accessible au grand public finalement? Marcel Lacroix, qui est physicien, docteur en génie nucléaire et professeur d'énergie et procédés thermiques à Sherbrooke, au Canada, donne trois éléments de réponse qui me semblent pertinents à cette question. D'abord, malgré les nombreuses occasions de l'utiliser à des mauvaises fins, la science semble être la seule voie pour extirper les nations dites en voie de développement de la pauvreté, de la misère et de la noirceur. C'est la science qui fait l'économie d'un pays, et qui fait marcher une civilisation. Et cela, plusieurs nations l'ont compris. Aujourd'hui, on constate que si un grand nombre d'étudiants en maîtrise et en doctorat dans les universités dites du Nord viennent des pays dits du Sud. La science est la seule institution humaine. Eh bien, les seuls outils à notre disposition pour nous alerter quant au péril que nous encourons avec les technologies. La science nous fournit les meilleurs systèmes d'avertissement. Alors, la science nous enseigne aussi des choses à propos de l'origine de la nature et même l'histoire des espèces, de la vie, de la planète, de l'univers. Et bon, beaucoup de questions, certes, comme celles liées à l'origine de l'univers, restent sans réponse. Mais Il y a lieu de reconnaître que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous pouvons démystifier des questions très fondamentales. Je pense que la science est loin d'avoir fini de nous faire ces surprises. Effectivement, on a encore des surprises à découvrir et c'est toujours une certaine satisfaction d'ailleurs de comprendre le pourquoi comment des choses de la nature. Alors, je vous remercie beaucoup, Arsène, pour cette réflexion sur la science, la recherche, son utilité et la nécessité de diffuser ici une culture scientifique. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous reparler. Merci Valérie Levin, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Bon, bien à vous. Alors, nous étions en compagnie d'Arsène Nmoutassigué, agronome et ingénieur chimiste des industries agricoles à l'Université de Goma en République démocratique du Congo.